بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن. الplaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence, chapitre du siyam, par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، يعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر وإن رآه الناس حسنة. أما بعد، donc إن شاء الله on procède à la révision de ce qu'on a pu voir dans le dernier cours. Donc, parmi les choses qu'on a pu voir la semaine dernière, c'était les causes annulatrices thème du siyam, les choses qui peuvent annuler ton siyam. On a pu voir que parmi les choses qui annulent le siyam, barakallahu fikum, c'est les rapports pendant les journées de Ramadan, le fait de consommer les rapports avec sa femme, ceci annule le siyam. Et ça, c'est bilijmah, il n'y a pas de divergence entre les savants sur cela. Et on a pu voir ensuite que celui qui fait cela, il n'a pas à rattraper. Il ne fait pas partie des personnes qui sont excusées pour cela. Donc il ne rattrape pas. Certains des ulama, ils voient et qu'ils rattrapent, lakin, ils ne rattrapent pas car il n'y a aucune preuve qui prouve cela. À partir du moment où tu as annulé ton jeûne, c'est-à-dire que tu te trouves en pleine journée de Ramadan. Donc tu ne peux pas revenir en arrière parce que le jeûne, il commence à partir du lever de l'aube. Donc tu as loupé ce jour-là, et ce jour-là tu ne peux pas le rattraper. Un jour que tu as loupé, tu ne peux pas le rattraper. Et un jour qui est rattrapé en dehors de Ramadan, ça ne s'appelle pas jeûner pendant Ramadan. Et il n'y a pas de dalil sur cela. Ou plutôt, il y a des dalils qui sont venus, mais ils sont faibles. Soum yawman makana. Ce hadith-là, il est faible. La kaffara, c'est-à-dire l'expression qui est demandée à la personne qui fait cela, kadhalika bil jami' hada dayn kaffara, et bien, kadhalika, il n'est pas... Il n'a pas le libre choix pour cela. Comme on a pu le voir, l'expiation, elle est de trois, c'est-à-dire d'affranchir un esclave, de jeûner deux mois de consécutifs, ou bien de nourrir 60 pauvres. Donc ça, tu n'as pas le libre choix. Si jamais tu n'as pas la capacité d'affranchir, tu dois jeûner deux mois consécutifs. Si tu n'as pas la capacité, tu dois nourrir 60 pauvres pour cela. 60 pauvres pour cela. Et on a pu voir que le fait d'affranchir, il faut affranchir une esclave qui est, ou bien un esclave qui est musulman. Et le fait de jeûner, tu dois jeûner deux mois consécutifs pour cela. Et tu ne dois pas l'interrompre. C'est sans excuse. Si tu l'interromps sans excuse, tu dois recommencer pour cela. Et nourrir 60 pauvres avec, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, min awsatima tut'imuna ahlikum. Il y a ni d'un repas qui est modéré, ni kadhalika, tu le nourris avec une date et tu dis, voilà, j'ai nourri 60 pauvres. T'as donné une date à chacun. Et Nikata, les cas, on te demande de, pour cela, d'égorger une vache pour chaque pauvre. Et un juste milieu, ce que tu donnes comme repas qui rassasie à ta famille. Donc tu donnes la même chose. On a pu voir Kata, les cas, parmi les choses qui annulent Asiyam, c'est tout ce que, toute cause qui va faire que Naham, que le spermatozoïde, il va sortir du sexe, soit de l'homme ou bien Kata, les cas, de la femme. On a pu voir pour cela la masturbation ou bien toute chose qui va amener à cela, et que toi-même tu t'es volontairement, ou que tu as volontairement fait. Donc on a pu voir que ceci annule, kadalika, as-siyam. Certains de ulama ils disent que non, parce qu'ils disent que ça ne rentre pas dans le hadith dans lequel Nabi Sallam il dit yada shahwata. Il a délaissé ses passions. Ils disent la passion qui est voulue ici, c'est quoi? Les rapports avec la femme, il consommait les rapports. Ils ont dit non, les ulama c'est la même chose, car ce qui est voulu par la passion, c'est tous les désirs que tu vas trouver avant le rapport. Et il dit, la personne qui consomme le rapport ou bien qui se masturbe, et ensuite il en a fini pour cela, même ils disent que ces deux personnes-là ressentent plus le désir et l'envie qu'ils ont trouvé au début. Donc yani, il est semblable à celui qui a fait ses rapports. Lakin, celui qui s'est masturbé ou autre, il n'aura pas à recommence plutôt à donner une kafara, une expiation, parce qu'il n'y a aucune preuve qui prouve cela. La preuve, elle est venue sur celui qui consomme le rapport. Lakin, il a commis un péché. Il a commis un péché. La masturbation et autres, tout cela fait partie de la transgression dans le dîn. Comme l'a dit l'imam Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Kadhalika, parmi les choses qui annule le siyam, c'est le fait de manger ou bien de boire volontairement. De manger ou bien de boire volontairement, ceci annule kadhalika le siyam. Ça, c'est bilijmer, il n'y a pas de khilaf par rapport à ça. Et kadhalika, ça ne rentre pas dedans. Celui qui boit ou mange par inadvertance, même sans faire exprès, sans l'avoir fait exprès, lui, comment le hadith a été rapporté sur cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné un risque à travers le fait qu'il a oublié et qu'il a bu, ou bien qu'il a mangé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina akhta'na. Wa kadhalika qala subhanahu wa ta'ala, naham, lakin ma tahammadat qulubukum. J'ai oublié le début de l'ayah, dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande et sanctionne par rapport aux intentions. Si jamais tu avais volontairement l'intention de faire cela, tu seras châtié pour cela et ton jeûne il sera annulé. Et comme on a pu l'ajouter, kadhalika, ceux qui voient les personnes faire cela, c'est-à-dire il boit, même si jamais il l'a oublié, même il doit l'avertir. Et rappeler son frère qu'il est en train de jeûner et ne pas le regarder boire. Et quand le Nabi sallam, comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, mar'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان. Celui qui voit un munkar, une chose réprimandable, qu'il change par sa main, s'il peut pas par sa main, s'il ne peut pas par son cœur. Lakin, on sait que dans ce genre de situation, tu as tout à fait la capacité de rappeler ton frère, au moins, de lui dire, intabe, yahri ou bien yahorti, tu es en train de boire ou manger, et tu es jeûneur. Tamam. Wa kadhalika, barakallahu fikum, pour celui qui, et tu dois, pour cela, tu dois le changer, modifier ce munkar par la main ou bien par quoi? Par la langue. Mais si jamais tu te contentes d'observer ton frère et que tu réprimandes cela par ton cœur, ça c'est un péché. Même tu ne dois pas, ils disent le ulama dans ce hadith-là, il a classifié le fait de modifier même les choses réprimandables sur trois paliers. Le premier, c'est de le changer par la main. Si tu n'as pas la capacité, comme il a dit, si jamais tu as la capacité de le changer par la main, tu dois le changer par la main. Si tu n'as pas la capacité, tu le changes par quoi? Il y en a par la langue. C'est-à-dire que tu lui rappelles ta main par ta langue. Si jamais tu n'as pas la capacité, là, ce n'est pas le cas dans le fait que tu dis à ton frère, « Ya ahi ou ya yorti, tu es en train de jeûner. » Donc, « Kada le kat ta'awun. » L'entraide, elle est demandée à les matelots. Inch'Allah, on rentre. Ou plutôt, on poursuit les choses qui annulent le siam. « Qala rahim » ou plutôt, « Qala hafidhahu Allahu ta'ala wa mimma yuftiru sa'im » et parmi les choses qui annule le jeûne du jeûneur. Il nous dit toute chose comme l'eau ou bien autre qui va rentrer dans ton estomac par la voie, par les voies nasales, par les voies nasales. Il dit wa huwa ma naham yusamma bis sa'ud, wa huwa ma yusamma bis sa'ud. As-sa'ud, c'est yani barakallahu fikum, la chose qui passe par le nez, par la voie nasale, et qui aspire. Comme ceux qui font le wudu, lorsqu'il fait l'istinshaq, l'istinthar plutôt, des fois, lorsqu'il exagère un peu pour cela, l'eau peut remonter à peu près, l'eau remonte à peu près dans le cerveau. Donc, cette chose que tu ressens, qui est l'eau que tu ressens qui monte à ton cerveau, c'est ce qu'ils appellent ça en arabe, as-sa'ud. As-sa'ud. C'est l'eau qui monte jusqu'à ton cerveau. Amma su'ud, c'est le fait de faire cette action-là, de faire monter l'eau jusqu'à ton cerveau, comme c'est le cas pour ceux qui, lorsque tu fais le wudu et tu bats l'air fidèle, lorsque tu veux t'identifier et plutôt te conformer à la sunna, qui est de faire, d'exagérer dans, lorsque tu aspires l'eau par la voie nasale. Cette chose-là s'appelle as-sa'ud. Plutôt, cette chose-là s'appelle as-sa'ud. Al-Sheikh al-Fawzan, il appelle as-sa'ud ou bien as-sa'ud, c'est le fait que l'eau qui est passée par la voie nasale, elle atteint, elle rentre, comme ça s'appelle, dans l'estomac. Lui, il voit que ça, ça annule, barakallahu fikoum, le siyam. Sahih, c'est comme il l'a dit. Lakin, la définition de sa'ud, elle est connue, c'est celle qui, c'est l'eau qui a été aspirée et qui remonte au cerveau. C'est l'eau qui a été aspirée, qui remonte au cerveau, et non pas qui va, barakallahu fikoum, dans le ventre. Qui va pas dans le ventre. Ça, c'est la définition de sa'ud, c'est l'eau qui est aspirée et qui monte jusqu'au cerveau. Aspirée par le nez et qui monte jusqu'au cerveau. Donc le fait que l'eau remonte jusqu'au cerveau, ceci n'annule pas le siyam. As-sa'ud, nafsuhu, il n'annule pas le siyam. Selon la bonne définition de sa'ud. Il n'annule pas as-siyam. Le fait d'aspirer l'eau jusqu'à ce que ça te monte jusqu'au cerveau, ceci n'annule pas le siyam. Lakin, c'est préférable de délaisser cela, comme on va le voir, Inch'Allah. Qu'est-ce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a recommandé cela en disant il dit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, exagère lorsque tu aspires l'eau. Lorsque tu fais le wudu, yani par la voie nasale, lakin ne le fais pas lorsque tu es jeûneur. Pourquoi? Car comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il nous dit, plutôt qu'avant cela, on ne connaît pas de justificatif, d'argument plutôt, de cause qui fait, on ne connaît pas pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Il dit, lakin, ça laisse à penser que, parce que l'eau, on a peur que l'eau, elle rentre, plutôt elle atteigne le ventre, l'eau elle atteigne le ventre, et par ce fait là Yannick, tu seras compté parmi les gens qui ont annulé leur siyam, car comme l'a dit Cheikh rahimahullah ta'ala, kullu ma yasil ila al-ma'ida an tariq al-anf aw al-fam fa innahu muftir. Toute chose qui atteint le ventre, que ce soit par la voie nasale ou bien par la voie orale, il dit que tout cela, barakallahu fikoum, ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Donc, as-sa'ud, as-sahih, c'est quoi? C'est que ça annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est aspirée qui va jusqu'au cerveau. Et la chose qui annule le jeûne, c'est tout ce qui va rentrer par la voie nasale ou bien la voie orale et qui va arriver à aboutir jusqu'au ventre. Donc, Shir, là, lorsqu'il nous dit, isal al-ma wa nahwihi ila al-jawf, c'est-à-dire le ventre, an tariq al-anf, qala wa huwa ma yusamma bis-sa'ud. Ça, c'est une définition qui n'est pas sahih. La définition de sa'ud, c'est pas celle-là. C'est pas l'eau qui atteint le ventre, laquelle l'eau qui atteint le cerveau. Laquelle on est d'accord avec lui. Si jamais maintenant tu es amené à aspirer l'eau d'une manière qui va aboutir jusqu'à ce que l'eau atteint ton ventre, et ben à partir de ce moment-là, tu seras compté comme une personne qui a annulé son siyam. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala wa akhdhu al-mughaddi 'an tariq al-warid. Il nous dit kadhalika. Yani de toutes les perfusions et qu'il y a dans ces choses-là, yani, ils ont mis dans ces choses-là yani, des produits qui sont nutritifs. Dans les perfusions dans lesquelles il y a une nutrition, ça fait partie des choses kadhalika qui annulent ton siyam. Lakin, si jamais tu es malade et tu as besoin de cela, tu es excusé. Tu es excusé pour cela. Et tu rattrapes un jour autre qui m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et celui qui était en voyage ou bien malade et qui n'a pas jeûné dans ces jours-là, il doit les rattraper dans un autre jour. Donc celui-là, il est excusé. Lakin, nous on est en train de parler, est-ce que son jeûne, il est valide ou pas? Il est en train de jeûner, il est malade, il a besoin d'une perfusion, on lui fait une perfusion, à partir de ce moment-là qu'on lui a fait, et dans cette perfusion-là, il y a des produits qui sont nutritifs, khalas. Yani, son siyam, il est pas, il est annulé. Son siyam, il est annulé. Lakin, il en a besoin pour se soigner. Lakin, son siyam, il est annulé. Car ces choses-là, comment ça passe, c'est nutritif. Et à partir du moment que c'est nutritif, yani, c'est comme si jamais il avait mangé ou bien bu. Et c'est ma'ruf, bil ijma', que de boire et manger, ça annule le siyam. Qala wa haqnu ad-dam fi as-sa'im. C'est-à-dire les injections de sang. Quel est le jugement des injections de sang pour celui qui est jeûneur? Al-Sahih, c'est que cela n'annule pas le siyam. car il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Certains des ulama, ils ont joint le fait que ce soit annulé, ou plutôt qu'il annule le siyam, comme c'est le cas de Cheikh Al-Fawzan et autres, car ils disent qu'il est semblable à quoi Naham al-Hijama. Il est semblable al-Hijama, il y en a la saignée, comme ils disent ça. Et on va le voir, la saignée, car dans les cas, ça ne fait pas partie des choses, al-Sahih, selon l'avis qui est juste, qui annule ton siyam, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc il annule le fait des injections, des injections de sang, ou bien lorsqu'une personne fait un don de sang, c'est-à-dire qu'on lui prend du sang pour le donner à une autre personne, aucun des deux, ni à celui à qui ça a été pris le sang, et ni à la personne à qui on a injecté le sang, aucun des deux personnes ne voit son siyam annulé. Car il n'y a aucune chose qui prouve cela. Et la base dans l'adoration, lorsque tu es rentré dans une adoration d'une manière qui valide ton adoration, tu peux en sortir et on peut juger de qu'elle soit annulée qu'à partir du moment où on a une preuve, il y en a clair pour cela. On doit avoir une preuve claire pour cela, pour pouvoir l'annuler. Et là, on n'a aucune preuve claire, authentique ou pas. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Ils ont fait des qiyas, ils ont voulu rapprocher entre eux certains jugements. Là, il n'y a rien qui prouve cela. Donc, celui à qui on a pris le sang, ou celui à qui on a injecté le sang, aucun des deux ne voit son jeûne annulé. Selon l'avis juste des ulama, il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Celui qui prétend le contraire, à lui d'apporter la preuve. Donc, le jugement de Shir, il n'est pas correct. Ou plutôt, il y a un avis, l'avis de dire que ça n'annule pas, il est plus juste. Donc, il dit toutes les choses qu'il a pu citer avant, ça annule le siyam. Lakin, c'est pas sahih comme on a pu voir, c'est pas sahih. Il y a que quoi? Le fait que lorsque tu bois, ou plutôt lorsque tu aspires l'eau, d'une manière qui va faire que ça va aboutir à rentrer dans ton ventre, à partir de ce moment-là, ton jeûne, il a annulé. Lakin, les choses qu'il a pu évoquer auparavant, ne sont pas des causes qui annulent le siyam. Qala niyahu tarziyatun lahu. Et il nous dit, parce que ceci, c'est une tarziya. Le fait qu'on t'injecte le sang, c'est pas une tarziya. C'est pas une chose qui, une nutrition. Qala wa min dhalika, et parmi les choses qui annulent le siyam. Qala wa min dhalika aydan, hukm as-sa'im bil ibr al-mughadhiya. Il dit kadhalika, le fait que le jeûneur, on lui injecte, une dose par, avec des, comment s'appelle, une piqûre, dans laquelle il y a comment s'appelle, des produits nutritifs. Donc, à dans les cas, c'est le même hukm que la perfusion. C'est le même jugement que la perfusion. La perfusion dans laquelle il y a des aliments, ou plutôt des produits qui sont nutritifs. Il nous dit, pourquoi ça annule le jeûne? Pourquoi? Parce que il nous dit, c'est, ça remplace le fait de manger ou de boire, car manger et boire, c'est nutritionnel. قال وذلك يفسد الصيام. قال وذلك يفسد الصيام. Il nous dit le fait de manger et de boire, ça annule le siyam. Donc kadhalika, parce que c'est nutritionnel. Donc toutes les choses qui sont nutritionnelles, kadhalika, ça annule le siyam. قال أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على الصيام. Il nous dit quant à la piqûre ou bien la perfusion dans laquelle il n'y a pas, elle n'est pas nutritionnelle. Il nous dit c'est mieux d'éviter afin de préserver ton siyam. Lakin, si jamais il est dans le besoin qu'on lui fasse une perfusion bien, qu'on lui fasse une piqûre dans laquelle il y a, à l'époque, dont les deux ne sont pas nutritionnels, il le fait, Inch'Allah, car aucun des deux annule le siyam. Lakin nous dit c'est mieux d'éviter. Lakin, qala rahim hafidhahu Allah ta'ala, yaqalihi sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, wa yakhiruha ila al-layl. Nous dit c'est mieux d'éviter cela. Parce que nous, on dit, plutôt les ulama, ils disent que ça n'annule pas le jeûne parce que ce n'est pas nutritionnel. Lakin, c'est quand même, yani, un liquide qui est injecté dans tes veines et qui va peut-être, yani, atteindre et aboutir dans ton ventre. Et comme on va le voir à travers, ou plutôt comme on l'a vu à travers la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit que toute chose prise par la voie nasale ou bien orale qui atteint le ventre, ça fait partie des quoi? Des choses qui annulent le siyam. Car le siyam, c'est le fait de préserver ton ventre, que tout liquide ou tout aliment, il atteint ton ventre. Il faut que ton ventre soit vide. Et le fait que peut-être qu'on te mette une piqûre ou bien une perfusion, et qu'elle circule dans ton corps, et peut-être même arriver dans le ventre, il nous dit c'est mieux d'éviter cela. Même si jamais on n'a pas une preuve claire qui nous dit que ça va atteindre ton ventre, lakin, c'est mieux d'éviter cela. Car on ne sait pas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Laisse les choses qui te porte un doute aux choses qui ne te portent pas de doute. Donc ça veut dire qu'ici il peut s'en passer, s'il peut s'en passer, il attend le coucher du soleil et ensuite inchallah il fait la piqûre ou bien la pure fusion. قال حفظه الله تعالى إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفتر ذلك كله يعني نعم à partir du moment que le sang sort de ton corps, que ce soit par une hijama ou bien par un fasd, c'est-à-dire que si jamais une de tes veines, yani tu as ouvert une de tes veines, ou sahb damin, lorsqu'on t'a pris du sang afin de l'injecter à une personne qui en avait besoin, pour cela, il dit tout cela fait partie des choses qui annulent al-siyam. Lakin, inshallah, comme on va le voir, ce n'est pas des choses qui annulent le siyam à la sahih, car les preuves prouvent cela. Amma al-hijama, كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ça n'annule pas le jeûne, lakin c'est une chose qui est détestable pour la personne qui craint que le hijama ça va l'affaiblir. Si jamais tu crains que ça va t'affaiblir, ton cas il est semblable à qui? Au jeûneur qui est en voyage. Le jeûneur qui est en voyage et qui veut jeûner, lakin il sait que ce jeûne là ça va l'affaiblir. Donc dans ce cas-là, il ne jeûne pas. C'est préférable pour lui qu'il ne jeûne pas. Et même détestable qu'il jeûne. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas partie de la bonté de jeûner pendant le voyage. C'est-à-dire pour celui qui va ressentir une faiblesse. C'est le cas pour celui qui va faire un hijama et cela va aboutir à ce qu'il va être faible. Il va être faible. Donc dans ce cas-là, le hijama est quoi? Déconseillé pour cette personne-là, malgré que s'il l'a fait, on ne va pas dire que son jeûne il est annulé. On ne va pas dire que son jeûne est annulé, tout comme on ne peut pas se permettre de juger que celui qui jeûne en état, plutôt en voyage, et même s'il ressent pour ça une difficulté, on ne va pas dire que son jeûne est annulé, laquelle on va dire tu as fait une chose qui est vraiment détestable. Donc le hukm de la hijama, comme a dit le shaykh l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, annahu la yuftir, lakin tukrah li l'imam da'fa. Ça n'annule pas ton siyam, lakin c'est détestable pour la personne ça va aboutir pour lui, yani, qu'il va être faible. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils voient que le hijama, ça annule pas ton siyam. Et c'est l'avis parmi les sahaba d'Ibn Umar et d'Ibn Abbas, d'Anas ibn Malik et d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhuma, radiyallahu anhum. Tous ces athars-là de ces sahaba, de ces ajillah min al-sahaba, ils ont tous été authentifiés par شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى في بلوغ أو بتو في فتح العنام وكذلك في إتحاف الأنام بكتاب دون لكال إلى إبوكي لسجد الصيام donc ces صحابة là ils voyaient que ça n'annulait pas le siyam. La preuve qui nous prouve cela كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس في البخاري صلى ابن عباس رضي الله عنهما rapporté par l'imam al-Bukhari, annahu qal ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im. Et nous dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu que le Nabi sallam il a fait l'hijama lorsqu'il était en état de sacralisation, c'est-à-dire lorsqu'il était en état soit de umra ou bien de hajj. En état de umra ou bien de hajj. Et كذلك lorsqu'il était jeûneur. Donc ce hadith là nous prouve que Al-Hijama, ça annule pas le jeûne parce que le Nabi Sassam, il l'a fait. Ihtajama wa huwa sa'im. Il a fait le hijama, il était jeûneur. Le hadith, il est dans le Bukhari selon Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Donc ce hadith-là, il est clair qu'il est possible de faire cela. Donc, à l'écart, sous-il, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, akuntum takrahuna al-hijama lil-sa'im, faqala la, innama li-ajni al-da'f. Rawahu al-Bukhari, à l'écart, ça a été rapporté par le Bukhari. Dans lequel il a été questionné, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, au sujet de l'hijama. Il lui a été dit, est-ce qu'il faisait partie de votre coutume d'avoir une répulsion quant au fait de faire l'hijama lorsque vous étiez jeûneur? Il a dit non. Lakin, on avait de la répulsion, on voyait cela détestable pour celui qui n'avait pas la capacité de tenir. Parce que c'est ma'ruf, c'est pour ceux qui ont déjà testé l'hijama. Lorsqu'on te prend le sang, parce que surtout, Yanné, il te demande d'être... que tu sois agent lorsque tu le fais, ça te prend un peu de beaucoup même, c'est pas un peu, beaucoup de tes forces. Jusqu'à même peut-être, il y en a certaines des personnes, j'ai déjà vu certaines des personnes s'évanouir parce qu'on leur a fait le hijama. Donc c'est quelque chose, yani, qui te retire beaucoup de force. Donc celui qui sent et qui connaît sa personne, il sait que ça va l'affaiblir. Déjà, être en état de jeûne, ça affaiblit. Et tu rajoutes par-dessus cela, al-hijama. Si jamais tu vois vraiment que ça va t'affaiblir et ça va te rendre une difficulté à jeûner pendant ta journée, ne le fais pas. Comme l'a dit, on voyait que cela était détestable pour celui qui voyait que ça allait l'affaiblir. Et ce hadith-là, plutôt, ce athar, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Quant au hadith dans lequel, qui est authentique, tamam, qui est authentifié par Sheikh Maqbul, rahimahullah ta'ala, qui est le Sheikh Mohammed ibn Hizam, selon Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, li rajulayni ahaduhuma kana hajim wa thani kana mahjouman, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Lorsqu'il a vu deux personnes, une de ces deux personnes faisait le hijam et l'autre se faisait faire le hijam à la saignée, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit أفطر الحاجم والمحجوم. Celui qui a fait le hijam comme celui à qui le hijam a été fait ont annulé pour cela leur siyam. Ce hadith-là, il est authentique, lakin il est aboli. Il est aboli, il est abrogé. Ça, c'est la meilleure des réponses qu'on peut trouver à ce hadith-là. Tamam. Pourquoi? Car on a une preuve qui nous montre que ce hadith-là, il est venu après le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel il nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné plutôt, il a fait le hijama en état de jeûne. Car dans ce hadith-là, il a été dit hajama, ou plutôt, ihtajama Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa muhrim, wa ihtajaba wa na'am sa'im. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijama alors qu'il était muhrim, c'est-à-dire en état de sacralisation, soit en état de hajj, un pèlerin, ou bien il avait fait le petit pèlerinage, c'est-à-dire la umra. Et il nous dit, le ulama, qu'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dû à son jeune âge, il a accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en état de sacralisation que lorsqu'il était dans le dernier hajj qu'il a fait, comme c'est connu, le hajjatul wada', le dernier hajj que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est-à-dire celui après Fath Makkah. Et nous dit le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftara al-Hajim al-Mahjoum, celui dont une partie des ulama prennent pour dire que, comme c'est le cas de Sheikh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, pour dire que al-Hijam sa'anul al-Siyam, celui qui a fait al-Hijam et celui à qui a été fait al-Hijam ont annulé leur Siyam. Et il dit ce Siyam-là, plutôt ce hadith-là, il a été évoqué, yani après, ou plutôt yani, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani yom al-Fath. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca. Et c'est ma'rouf, Hajjat al-Wada', c'est-à-dire le pèlerinage d'adieu, il a été fait quand? Il a été fait après après l'ouverture de Mecca. Après l'ouverture de Mecca. Donc on a une preuve, on a deux hadiths qui se contredisent. Dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que la saigne al-Hijama s'annule. Dans l'autre, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait lui-même yani en état, il a fait le Hijama en état de jeûne. Donc lorsqu'on trouve deux textes dont l'apparence yani, se contredisent, si jamais on connaît l'un des deux textes quand même, qui vient après l'autre, on ne peut que juger de l'autre texte yani, celui qui est venu avant, qu'il est quoi? Abrogé. Qu'il est abrogé, et c'est ainsi que font les ulama. C'est ainsi que font les ulama. Certaines personnes, ils ont évoqué d'autres raisons pour faire cohérence entre ces deux textes-là. Laquelle est la meilleure des arguments, la meilleure des raisons qu'on peut trouver quant au fait de rendre cohérent ces deux textes-là, c'est-à-dire que de juger que le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijama, c'est un hadith qui vient abroger le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui avait fait le hijama, celui à qui a été fait le hijama, ils ont annulé pour cela leur siyam, on dit que ce hadith-là, il est abrogé, même si jamais il est authentique, tamam, on dit qu'il est abrogé, car le hadith vient après. Donc ça, c'est la meilleure des réponses qu'on peut trouver au jugement de l'hijama. Donc la hijama, comme l'ont vu la plupart des ulama, et comme c'est le cas à la vie de quatre illustres sahaba, Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri et Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, ils ont vu que al-siyam, plutôt, l'hijama, c'est pas une chose qui annule le siyam, c'est pas une chose qui annule al-siyam. Qala rahimahullahu hafidhahullahu ta'ala أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر ذلك كل ينودي يعني toute saignée qui ou plutôt tout sang qui sort de ton corps yani nous dit Cheikh Al-Fawzan ça fait partie des choses qui annulent ton siyam, que ce soit un hijama, que ce soit Yannick, que tu t'es ouvert une veine, ou bien que tu as donné ton sang en don à une personne, il dit tout cela, ça fait partie des choses qui annulent le siyam. Pourquoi? Parce que il dit c'est la même chose que l'hijama. Toutes ces choses-là sont semblables à l'hijama, et il voit que l'hijama c'est une chose qui annule le siyam, laquelle, comme on a pu le voir, l'hijama c'est pas une chose qui annule le siyam. Donc toutes choses qu'ils ont pris, ou plutôt toutes naham saignées qu'ils ont pris pour joindre dans le même jugement qu'avec le hijama, c'est faux. Pourquoi? Parce que aslan, le hijama, ça n'est pas as-siyam. Donc, al-fas, c'est-à-dire s'ouvrir une veine, ou bien de donner en don de ton sang, toutes ces choses-là ne font pas partie des choses qui annulent le siyam. Bien au contraire, ça n'annule pas as-siyam. Et celui qui donne en don son sang, il sera récompensé. Car le messager il dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit, aidez-vous dans la bonté et dans la piété. قال رحمه الله تعالى وأما أو بيتو أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل il dit quant à la petite quantité de sang qui va sortir de la petite quantité de sang qui va sortir de ton corps il dit comme c'est le cas lorsque tu veux faire une analyse il y en a de ton sang et l'akhirih tamam il dit ça n'annule pas le siyam قال فهذا لا يؤثر على الصيام وكذا خروج الدم بغير اختياري برعاف أو جرح أو خلع سنين فهذا لا يؤثر على الصيام يجي كذلك كمام الإزموراجي تمام نزال أو أخر une blessure une hémorragie يعني نزال إلى آخره il nous dit tout cela ça n'annule pas le صيام تمام ça n'annule pas le صيام c'est un peu un avis qui est un peu contradictoire تمام pourquoi parce qu'ils disent يعني c'est une petite quantité qui est sortie en gros ils disent que si lorsque c'est une grande quantité de sang qui sort ça annule ton siyam. Si c'est une petite quantité de sang qui sort, ça annule le siyam. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a harrama shay'an, harrama qalilu wa kathira. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils interdisent une chose, que ce soit une petite ou une grande quantité, c'est la même chose. Al-khamr, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-khamr haram qalilu wa kathira. Le vin et l'alcool, que ce soit en grande ou petite quantité, c'est haram. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. Si jamais on aurait été de l'avis de dire que al-hijama, ça annule le siyam, laquelle on n'est pas de cet avis-là, mais juste yani, nastaghrib, et on s'étonne de faire une différence entre une petite ou une grande quantité de sang. Si jamais tu vois que la grande quantité de sang annule le siyam, qu'est-ce qu'est la petite quantité? Car il n'y a aucun dalil qui prouve que lorsque le sang c'est une petite quantité ou une grande quantité, ça, il y a une différence par rapport à cela. Donc si jamais vous voyez que al-hijama, ça annule le siyam, qu'est-ce qu'est une petite quantité de sang, qu'est-ce qu'est ça annule le siyam, parce que les deux. C'est la même chose, c'est que le sang est sorti. Lakin, comme on a pu le voir, que ce soit une grande ou petite quantité de sang qui sort, ça n'a aucune influence sur ton siyam. Ton siyam sera valide. قال حفظه الله تعالى ومن المفترات التقيؤ. Et il dit parmi les choses qui annulent le siyam, c'est le fait de se faire vomir. قال التقيؤ قال هو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا. Il nous dit التقيؤ c'est le fait de se faire vomir. تمام. De se faire vomir, que ce soit un liquide ou bien des aliments. Mais cela de manière volontaire. De cela de manière volontaire, il dit فَهَذَا يُفْتِرُ بِهِ الصَّائِمِ. Il dit ceci annule le siyam du sa'im. قَالَ أَمَّا إِذَا غَلَبَهُ الْقَيِّ وَخَرَجَ بِدُونِ اخْتِيَارٍ وَبِدُونِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُؤَثِّرَ عَلَى الصِّيَامِ. Il dit quand on fait, si jamais il a vomi sans le vouloir, il dit que ceci n'a pas d'influence sur l'invalidité de son siyam, plutôt son siyam il est valide. Et il nous dit la preuve de cela. قال لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Rapporté par l'imam Ahmed, Tirmidhi, Abu Dawud, وغيره من العلماء, plutôt parmi les rapporteurs de hadith. Donc le hadith qu'il a pris pour nous dire que celui qui se fait vomir volontairement, que ce soit du liquide ou bien des aliments, que son jeûne il est annulé. C'est le hadith dans lequel il nous dit celui dont le vomi prend le dessus sur lui, quand même, il vomit sans le vouloir, il nous dit falaysa alayhi qada, il ne doit pas le rattraper, c'est-à-dire que son siyam il est valide. Qala wa man istaqa, celui qui s'est fait vomir et qui a vomi, même, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymin, celui qui s'est fait vomir, parce que tu peux essayer de te faire vomir et tu ne vomis pas. Ce n'est pas le simple fait que tu essayes de te faire vomir qui va annuler ton siyam selon la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Lakin, il faut que tu te fasses vomir et que tu aies vomi. قال فمن استقى أي فقى عمدا فليقضي. Celui qui s'est fait volontairement vomir et qui a vomi, qui doit rattraper cela. قال معنى ضرعه القي أي خرج بي دون اختياره ومعنى قوله استقى أي تعمد القي ندي ضرعه القي c'est-à-dire il a vomi sans intention sans volonté pour cela. قال ومعنى استقى c'est-à-dire تعمد القي c'est qu'il a fait exprès de se faire vomir. Le hadith qui a été évoqué dans le livre, c'est un hadith qui est d'apparence, comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Hizam, qui est d'apparence authentique. Lakin, les ulama, comme les grands ulama du hadith, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, ou plutôt l'imam Bukhari, l'imam Ahmed, wa kazalika barakallahu fikum, l'imam Ad-Dar Qutni, wa Tusi, ils disent que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous dit dans ce hadith-là, malgré qu'il fait partie des gens qui ont rapporté ce hadith-là, il nous dit dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Isa ibn Yunus. Il nous dit qu'il a rapporté ce hadith-là, ou plutôt qu'il a narré ce hadith-là, sans s'appuyer sur cela, sur son livre. Il nous dit, on ne sait pas d'où il a pris ce hadith. On ne sait pas d'où cet rapporteur il a pêché ce hadith-là. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَلَطَ فِيهِ C'est une erreur qu'il a fait. Ce hadith-là, c'est une erreur de Isa ibn Yunus. وَقَالَ الْإِمَامَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى Il nous dit, هذا الحديث ليس بشيء. Ce hadith-là, il n'a aucun poids dans l'islam. C'est-à-dire que ce hadith-là, il n'est pas authentique. وَقَالَ الْإِمَامَ الْبُخَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَرَى مَحْفُوظًا Je ne pense pas que ce hadith-là, il est authentique. Je ne pense pas que ce hadith-là, il est authentique. Et d'autres, كَذَلِكَ parmi les ulama qui ont évoqué que ce hadith-là, il avait un défaut. Donc, ce n'est pas tout hadith dans la chaîne de transmission d'apparence à l'authentique que le hadith, il est authentique. Que le hadith, il est authentique. Donc, ces ulama-là, qui sont les élites dans la science des défauts du hadith, ils ont pu voir qu'il y avait un défaut, qui est que Isa ibn Yunus n'a pas correctement mémorisé ce hadith-là. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc à partir du moment que le hadith n'est pas authentique, le jugement qui est lié et rapporté et relatif à ce hadith-là, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Reste à élucider, c'est-à-dire que jusque-là, on n'a aucune preuve qui nous prouve que si jamais tu te fais vomir ou bien que tu vomis, que ça va quoi ? Annuler ton siyam. Là, il y a des hadiths qui sont venus parce que, comme on a pu le voir, la base, lorsque tu rentres dans une adoration d'une manière qui a validé ton entrée, tu peux en sortir ou bien on ne peut juger de l'invalidité de ton adoration que par une preuve qui prouve cela. Donc là, la preuve, là, elle tombe à l'eau. Donc il faut trouver une autre preuve qui ne prouve cela. Sinon, on reste comme c'est-à-dire qu'on valide l'adoration parce qu'il est rentré d'une manière qui a validé son adoration. Là, il y a un hadith dans lequel, qui est authentifié par Cheikh Mughbil, rapporté par Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, ou rahimahumullahu ta'ala, selon Thauban, رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى vomi et il a rompu son jeûne. كذلك un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres qui a été qualifié de Hassan selon شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى dans lequel il est dit قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فافترى فسئل عن ذلك فقال اني قئت Dans ce hadith là, Nabi sallam il nous a dit que Nabi sallam il avait jeûné. Ensuite, il a vomi et il a rompu son jeûne. On lui a demandé pourquoi, ils lui ont dit parce que il avait vomi. قال فاني قئت j'ai vomi. C'est pour ça que Nabi sallam il a interrompu son jeûne. Dans ce hadith là, il y a aucune chose qui nous prouve que Nabi sallam il a ordonné cela. On ne peut invalider une adoration que par un ordre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont ordonné de jeûner. On ne peut invalider un jeûne que par kadhalika, un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné. Il y a un hadith pour cela, mais comme on a pu le voir, il n'est pas authentique. Quant aux deux hadiths là qu'on a pu voir, c'est des faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ait pour autant ordonné à toute personne qui a vomi de rompre le jeûne. Donc, comme on a pu le voir pour ceux qui participent un peu à Sifat al-Salah, que le premier degré des des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? De juger que c'est une recommandation. Donc on ne peut tirer à travers ces hadiths-là, dont le cannabis sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même l'action de rompre son jeûne après qu'il ait vomi, on ne peut juger que du jugement de la recommandation. De dire qu'il est recommandé à la personne qui a vomi de rompre son jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a déjà fait. Donc c'est légiféré de rompre son jeûne pour la personne qui a vomi, car Nabi Sussam l'a déjà fait. On peut même peut-être dire que c'est recommandé, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez un bon exemple dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Les ulama des jugements de la jurisprudence, ils disent que le fait de prendre comme exemple un Nabi sallam, c'est recommandé. Donc tout ce qu'il fait, c'est recommandé. Tous les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier degré de ce jugement-là, c'est quoi? C'est que c'est une recommandation. Donc, il y en a, wallahu a'lam, lorsqu'une personne vomit, il lui est recommandé, kadhalika, de rompre le jeûne. Lakin, s'il veut, il continue le jeûne. Lakin, c'est une cause et c'est une excuse qui le permet de rompre le jeûne. C'est-à-dire que si jamais il vomit, il peut rattraper un autre jour, inshallah, le jeûne. Car il y a une excuse par rapport à cela. Nabi sallam, il l'a déjà fait. Nabi sallam, il l'a déjà fait. Et qu'est-ce qui appuie cela? Kadhalika, le athar d'Ibn Abbas, dans lequel il nous dit Al-fitru mimma dakhal, wa laysa al-fitru mimma kharaj. Il nous dit ce qui, va rompre ton jeûne et l'invalider, c'est toute chose qui va rentrer dans ton corps et non pas les choses qui en sortent de ton corps. Lorsque tu vomis, ça rentre pas dans ton corps, mais ça en sort. Lakin, celui qui vomit, wali'a'adhu billah, ensuite il ravale son vomi. Eh bien, lui, son jeûne, il est annulé. Le jeûne, il est annulé, comme on a pu le voir à travers la parole du Cheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, Al-Muftarat, kullama dakhala min al-anf wal-fam ila al-ma'ida. Toute chose qui va invalider, qui est sûre qui va invalider ton jeûne, c'est toute chose qui est rentrée dans ton ventre, par la voie orale ou bien nasale. Celui qui ravale, on as'alullah al-afiya, son vomi, son jeûne, il est invalidé. S'il le fait volontairement, il devra tout bénir Allah Azzawajal, se repentir vers Allah Azzawajal et faire beaucoup de nawafil, de jeûne surrogatoire afin de combler sa négligence. Et s'il n'a pas fait exprès, رَبَّنَا لَا تُوَخِذْنَا إِنَّسِينَ وَاخْطَأْنَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. C'est l'ayat que je cherchais au début du cours. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Vous n'aurez pas commis de péché à partir du moment où vous avez commis une erreur, sans avoir intentionné, là qui vous serez pris selon vos intentions et vos volontés. Donc lui, il n'a pas la volonté de vouloir se faire plutôt ravaler son vomi, donc il est excusé. Donc un jugement du vomi, c'est qu'il n'annule pas le jeûne. Que ce soit fait volontairement ou pas, à partir du moment qu'il ne ravale pas son vomi. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yanbaghi أن يجتنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطر أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيام إنودي. Donc il incombe au jeûneur d'éviter de se mettre du kohl, c'est-à-dire, vous savez, un peu l'espèce de la chose noire comme autour de l'œil. Je ne vois pas comment on traduit ça en français. La chose, c'est marouf, c'est un médicament pour celui qui a des problèmes à l'œil, et il le met autour de l'œil afin de se guérir, afin de se soigner plutôt. Al-Kohl, Maharuf. En français, je ne sais pas. Si quelqu'un a un dictionnaire, qui regarde, Inch'Allah. Al-Kohl. Kaf, ha, lam. Et il dit, Kadalika, il dit, c'est mieux d'éviter cela. Et Kadalika, lorsque tu te mets des gouttes dans l'œil, pour te soigner, il dit, c'est mieux d'éviter cela. Car il voit que c'est un liquide qui peut-être va rentrer dans ton corps par la voie de ton œil et ensuite peut-être aboutir jusqu'à arriver dans ton ventre. Il dit c'est mieux que tu évites cela. Il convient pour toi d'éviter cela par peur que ça rentre dans ton ventre, comme il a pu l'évoquer tout à l'heure avec lorsqu'il a dit derma yarib, kilama la yarib. Lorsque tu dois te faire injecter une piqûre ou bien une perfusion qui ne sont pas nutritionnelles, il dit c'est mieux d'éviter. Car c'est un liquide qui rentre dans ton corps, on a peur qu'il atteint, qu'il aboutit, qu'il arrive dans ton ventre. Lakin al-Sahih, c'est que, comme l'a dit l'imam al-Sana'ani, rahimahullah ta'ala, il faut que la voie qui aboutit à ton estomac, ce soit une voie qui soit connue, qui est prise, pour se nourrir. Yani c'est ma'ruf, l'insan, c'est pas à part l'œil qui se nourrit et kadalika qui boit. Donc le fait d'utiliser ces médicaments-là, que ce soit le kohl ou bien kadalika al-qutra, les gouttes pour les yeux, ça c'est pas des choses qui vont annuler ton siyam. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Donc celui qui le fait, Inch'Allah, il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à avoir peur. C'est pas une chose qui va aboutir jusqu'à ton œil, Inch'Allah. Et ça, c'est ma'ruf, comme l'a dit l'imam Sanhani. Lakin, si jamais tu préfères éviter de faire cela, même c'est mieux, comme il a dit. Yenbari, c'est mieux. Amma que ça annule ton jeûne à Bedel. Parce que là, c'est pas connu comme étant une voie qui aboutit à ton ventre. Yallahu a'lam. Comme l'a dit l'imam Sanhani. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa la yubaliru fi al-madmadati wa al-istinshaq. Liannahu rubama dhahaba al-ma ila jufihi. Il dit, il incompare, et plutôt Yanni, il lui est interdit d'exagérer lorsqu'il fait la madmada, lorsqu'il fait circuler l'eau dans sa bouche, il est ma'ruf pour, lorsque tu fais le wudu, et l'istinshaq, c'est-à-dire lorsque tu inspires l'eau dans ton nez, que lorsque tu fais le wudu, il dit ceci, il ne faut pas le faire. Parce que Yanni, on craint que si jamais tu fais cela, l'eau va rentrer et va arriver dans ton ventre. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'liya fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Il dit, un ébessum exagère lorsque tu aspires l'eau et ne le fais pas lorsque tu es en état de jeûne. Ne le fais pas lorsque tu es en état de jeûne. Comme l'a dit l'imam Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, il y a ni de peur que l'eau arrive dans ton ventre. Donc c'est pour cela qu'un ébessum sallam, wallahu a'lam, même si vraiment il y a pas, ça n'a pas été justifié pourquoi un ébessum il a dit cela, lakin, le fait qu'il dit, excepté lorsque tu es en siyam, même c'est ma'ruf, qu'est-ce que tu es en train de faire? D'aspirer de l'eau ou bien mettre de l'eau dans ta bouche. Donc on a peur que tu aspires l'eau, que tu aspires l'eau et qu'elle va dans ton ventre. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu a'lam, il a interdit cela à ceux qui étaient en état de jeûne. Qala was-siwak la yu'athir 'ala as-siyam bal huwa mustahabbun wa muraghabun fihi lis-sa'im wa ghayrihi fi awwal an-nahar ila wa akhirih 'ala as-sahih. Il nous dit le fait d'utiliser le comment s'appelle as-siwak. Il dit ça c'est une chose qui est recommandée, hein, et qui même Yanni qui est fortement recommandé de faire pour celui qui est saïm. Les hadiths, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, qalat qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-siwak matharatun lil fam mardatun lil rabb. Le siwak c'est une chose qui est qui va purifier ta bouche et qui va, et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, tamam, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agré. Donc utiliser as-siwak, yani c'est très recommandé. C'est très recommandé, même en état de siyam. Lakin, les ulama, ils voient que si jamais tu utilises yani un siwak yani de très bonne qualité, celui qui est un peu piquant, quand même, celui qui est un peu piquant, il nous dit, tu vas voir que généralement, ce siwak-là, il y a une espèce de liquide qui va sortir. Et on ressent même un goût à travers cela qui est un peu piquant. Ils nous disent que, pourquoi ils voient que certains ulama, que c'est détestable d'utiliser siwak, ils disent parce que ce siwak-là, il a un liquide. Et ce liquide qui est har, tamam, et toi, tu as la capacité de pouvoir éviter qu'il rentre dans ta bouche. Tamam. Donc, il dit le fait que tu utilises cela, on a peur que tu avales. Tamam. Et quand les cas disent les branches du siwak, on a peur que si jamais tu utilises un peu siwak un peu trop, qu'après, tu n'arrives pas à le sortir de ta bouche, tamam, et que tu l'avales. Et ils disent, ma'ruf, il y a le fait que tu avales une chose, tamam, le fait que tu avales une chose dont tu as la capacité de pouvoir rejeter de ta bouche, ils disent ceci, il y a ça. Annule ton jeûne, parce que le fait de jeûner c'est de garder ton ventre vide, et le fait qu'une branche de siwak rentre dans ton ventre, on peut plus dire que ton ventre est vide. Et dans le cas, si jamais le liquide du siwak tombe dans ton ventre, dans le cas, on peut plus dire que ton ventre il est vide. Donc c'est pour ça que vous voyez à travers la parole de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qui dit que al-siwak yuftar bil khilaf, et dit que d'utiliser le siwak c'est une chose qui annule quoi, le siyam. Lakin comme a dit le cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, à partir du moment où tu rejettes yani ce liquide-là et les branches kazal kadisouak de ta bouche et qu'elle rentre pas dans ta gorge tamam, et qu'elle n'aboutit pas dans ton ventre, à partir de ce moment-là, ton jeûne il est valide. Tamam. Il n'y a aucune chose qui prouve que ton jeûne n'est pas valide. Tamam. Donc yani, utiliser siwak, inshallah, mais faire attention. Il faut l'utiliser et faire attention. Et c'est mustahab. Qala rahimahullahu ta'ala. Ou plutôt, hafidhahullahu ta'ala. Walau tara ila halqihi ghubarun ou dhubabun. Lam yu'athir 'ala siyamihi. Il nous dit, si jamais une comment ça s'appelle, de la poussière ou bien une mouche venait à rentrer dans sa bouche, il nous dit ça a aucune influence sur son siyam. À partir du moment il n'a pas il n'a pas intentionné cela. Ah mais si jamais, bon c'est un peu grotesque quand même, Lakin, on pose des cas comme ça, si jamais, des éventualités, je veux dire, des suppositions, si jamais il ouvre sa bouche, il fait exprès jusqu'à ce qu'une une mouche rentre dans sa bouche, hein. Et bien là, yani, comme l'a dit l'imam Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, al-fitru mimma dakhal wa laysa al-fitru mimma kharaj. Il dit, les choses qui annulent le siyam, c'est toutes choses qui rentrent dans ton corps, ou plutôt dans ta bouche, ou bien par voie orale ou bien nasale, et non pas les choses qui en sortent. Lakin, si jamais tu fais exprès d'ouvrir ta bouche pour avaler une mouche et autre, ça va annuler ton siyam. Si jamais tu fais exprès, comme ça arrive des fois, tu ouvres ta bouche et à ce moment-là, il y a une mouche qui rentre, là, t'es excusé. Parce que ça, c'est des choses que tu n'as pas la capacité de pouvoir rejeter. Et ça, c'est une qaïda, prenez-la comme une qaïda. Toute chose qui rentre par la voie nasale ou bien orale, parmi les choses que tu as la capacité de pouvoir rejeter de ta bouche, si jamais tu l'avales, ça va annuler ton siyam, si jamais tu l'as fait exprès. Amma, toute chose que tu n'as pas la capacité de pouvoir rejeter de ta bouche, comme c'est le cas, on va le voir, de la salive, et ben ces choses-là n'annulent pas le siyam, parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir, tu ne vas pas cracher, l'homme c'est pas un lama, il ne va pas cracher à chaque fois, il a peur que, que la salive va rentrer dans sa gorge. Non, ça c'est des choses que tu ne peux pas éviter. C'est des choses que tu ne peux pas éviter. Toute chose que tu ne peux pas éviter, qui est liquide, ou bien autre, qui rentre dans la voie orale ou bien nasale, tu ne peux pas l'éviter. Ça n'annule pas ton siyam. Si jamais tu as la capacité de pouvoir l'éviter, que tu le fais exprès, l'année, ça va annuler ton siyam. Ça c'est une qaïda. Prenez-la comme une qaïda. Et il nous dit, quelle est la première chose qu'il n'a pas évoqué, Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, Al-Qalas. C'est le fait de la régurgitation. La régurgitation, le fait d'avaler une chose, plutôt le fait qu'une chose sort de ta bouche et ensuite elle re-rentre. C'est comme c'est le cas lorsque tu vomis et la personne régurgite. Ça fait des choses qui, si jamais tu le fais volontairement, ça va annuler ton siyam lakin. Si jamais tu ne le fais pas exprès, des fois, ça peut arriver lorsque la personne elle a une éruption, lorsqu'elle va éructer, des fois, avec l'éruction, il y a un petit peu d'aliment qui va sortir. Et des fois, sans le vouloir, l'aliment il repart dans ta gorge. Lakin, toi, tu ne l'as pas voulu. Le fait que tu ne l'as pas voulu, ça n'annule pas ton siyam. Lakin, si jamais tu le fais exprès, de le ravaler, de le régurgiter après cela, et ben, ça va annuler ton siyam. Kedalika, riq, comme on a pu le voir, riq, yanibilijmer, c'est-à-dire la salive, ça n'annule pas ton siyam. Ça n'annule pas ton siyam parce que c'est une chose que tu ne peux pas éviter. Ou an-nukhama, c'est le. Tout ce qui est. Je ne sais pas si jamais c'est courant ou pas, le fait de dire des molars, ces choses-là, kedalika, ça fait partie des choses que tu peux éviter. T'as un molar, si jamais tu le vois, ou bien les choses, des fois. Un glaire comme ils disent, tu le sors de ta bouche, le fait que tu le ravales exprès, ça c'est déjà bon, c'est un peu dégueulasse, et en plus ça va annuler ton siyam, tu le fais exprès. C'est-à-dire que cela tu peux l'éviter, tu peux cracher et le sortir de ta bouche, le fait que tu l'avales et tu fais exprès, ça annule ton siyam. Donc il faut faire attention par rapport à cela. On va terminer inchallah le chapitre. قال رحمه الله تعالى ويجب على الصائم اجتناب الكذب اجتناب كذب وغيبة وشتم ندي. Donc il incombe au saïm d'éviter de faire de mentir et de faire du riba, de la calomnie et d'insulter. Car toutes ces choses-là sont interdites. Inna ar-rajula lakdibu hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. La personne ne cessera de mentir jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le compte auprès de lui ou les dénombre parmi les nombres, parmi les menteurs. Le kadhib c'est ma'ruf. Yani c'est haram. Al-riba kadhalika c'est haram. Al-riba. كذلك بارك الله فيكم في نشوز كحرام كحرام الصائم كذلك كحرام أسوي كي با صائم c'est-à-dire d'évoquer les choses que ton frère ou bien ta soeur n'aime pas en son absence. Tamam, c'est ça le ta'rif, c'est la définition du riba, c'est d'évoquer les choses que ton frère ou bien ta soeur n'aimerait pas entendre au moment où elle n'est pas présente. Si jamais tu évoques une chose lorsque ton frère et ta soeur ne sont pas présents, plutôt sont présents devant toi, ça ne fait pas partie du riba. El riba, c'est conditionné que la personne ne soit pas là. C'est conditionné que la personne ne soit pas là parmi les choses que la personne n'aimerait pas entendre. Même si jamais c'est des choses qui sont vraies. La personne n'aime pas que tu dis le ventru. Tu dis le ventru et tout ça, et il n'est pas là. Et l'absence, ça c'est une riba. Parce que tu sais qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que tu lui dises cela, et en plus il n'est pas absent. Si jamais tu inventes des choses sur lui, c'est du mensonge, et ça s'appelle bohtan. C'est encore pire. D'évoquer des choses sur ton frère ou ta sœur